Dimanche dernier, on a commencé à parler d'un thème. Je voulais faire deux dimanches avec ce thème-là. Donc, dimanche passé et ce matin. Alors qu'on parle d'une randonnée avec Abraham. Entre autres, on a parlé d'Abraham, hein, qui est une référence pour les trois grandes religions monothéistes, hein, le judaïsme, l'islam et le christianisme. Et Abraham, qui a été appelé, hein, l'Écriture à deux reprises, réfère à Abraham comme étant l'ami de Dieu. Et j'avais partagé comment que Abraham avait eu l'intuition d'un Dieu unique, sans le support de, hein, de prophéties ou d'autres données. Semble-t-il qu'Abraham avait eu l'intuition d'un Dieu unique alors qu'il vivait dans une société animiste, aussi bien qu'en référence avec des mythologies. Voilà que lui, il y a cette intuition de Dieu, ce Dieu unique que nous adorons. Et j'avais partagé, entre autres, deux connaissances, deux faits, dont un nommé M. Saint-Laurent d'Arvida, que j'avais rencontré il y a très, très longtemps, qui avait simplement pris une Bible, hein, avait obtenu une Bible des témoins de Jéhovah dans le temps, et puis s'était mis à lire la Bible, et puis à partir du récit d'Abraham, ce qui l'avait touché, c'était Abraham. Et puis, s'était dit, j'aimerais connaître Dieu comme Abraham l'a connu. Et puis, être l'ami de Dieu. Et j'ai relaté aussi un autre cas qui se passait dans la région de Lassar, où j'avais rencontré là un couple qui, pendant des années, avait cheminé dans leur foi, tout simplement parce qu'eux aussi, il y a très, très longtemps, dans les années, je me souviens plus, c'était les années 40-50, avaient obtenu une Bible de la main des témoins de Jéhovah. Vous avez dit aux témoins de Jéhovah, merci bien pour la Bible, maintenant on ne veut plus vous voir, c'est la Bible qu'on veut, merci. Ils ont lu la Bible, et eux aussi c'était Abraham, ils étaient interpellés par Abraham, et puis, ils s'étaient mis donc à avoir une relation avec Dieu, et puis à partir de l'exemple d'Abraham. Yann est venu me voir, Yann, et Anaëlle, hein, son épouse, qui viennent parmi nous depuis quelques temps. Et puis, Yann est venu me voir après le service pour me partager son expérience à lui qui était semblable à celle de ces deux rencontres que je vous ai mentionnées. Et j'ai dit, Yann, ce serait bien que dimanche matin, tu nous partages un peu ton témoignage pour valider ce que nous avons dit dimanche dernier. Alors, Yann, est-ce que tu veux venir maintenant? Simplement Donc, rebonjour à tout le monde. Hein. Donc, en fait, c'est ce que Jacques a dit. C'est, pour faire très court, ce qui m'a touché dans ce qu'il avait dit, c'est parce que moi, j'ai pas connu le Seigneur dans une église. J'étais jeune, mon père était aujourd'hui décédé, était musulman. Donc toute la famille de mon père au Niger sont musulmans. C'est un pays musulman. Ma mère était du Congo, donc pays plus ou moins, en tout cas dans les années 80, catholique. Les jeunes églises ont commencé à s'implanter assez récemment. Donc moi j'ai grandi avec mon père et en tant que musulman, en tant que surtout fils aîné, j'étais le premier fils. Donc il fallait que j'apprenne toutes les sourates, que j'apprenne la prière, que j'apprenne. Donc j'allais une ou deux fois à la mosquée, mais moi j'étais intéressé, je voulais connaître. J'étais pas contre l'islam, j'avais pas d'a priori. Moi ce que je voulais c'est comprendre et puis apprendre. Et là ça posait un problème. Donc à chaque fois on me disait non, il faut répéter la sourate. J'ai dit mais qu'est-ce que ça veut dire? On me dit t'occupe pas de ce que ça veut dire. Répète seulement, fais la prière. J'ai dit, ben non, si vous voulez que je fasse la prière, que je sois musulman, il faut que je comprenne quoi. On me dit, ouais, écoute, ça, faut pas chercher à comprendre, etc. Donc j'avais 12 ans, je crois. J'ai eu un tout petit. Le jour où j'ai eu un peu d'argent, il y avait une librairie chrétienne à Niamey, la capitale du Niger, qui s'appelait Croisade du Livre Chrétien, CLC. Donc je suis passé devant, il y avait une Bible. Donc j'ai acheté ma Bible. Et bon, j'ai pas ouvert, je suis allé à la maison, je me suis caché parce que bon, c'est un pays musulman. une famille, tout le monde est musulman, tu ouvres sa Bible, bon, c'est pas, enfin, quand on te voit avec une Bible, c'est pas très, voilà. Et donc j'ai lu, et j'avais 13 ans, j'ai lu toute la Bible, j'ai lu toute la Bible. Mais ce qui m'avait surtout touché, c'était l'Ancien Testament. Et moi, c'est pas Abraham, comme je le dis, c'est plutôt Moïse, c'est l'histoire de Moïse. Et moi, je me suis dit, mais si Moïse, qui était un homme, est arrivé à connaître Dieu comme ça, mais pourquoi moi, je n'y arriverais pas? Parce que j'avais cette soif-là. Hein, pourquoi j'y arriverais pas? Et quand j'ai eu 15 ans, je suis retourné au Congo chez ma mère, où j'ai fait mon lycée là-bas. J'ai fait mon lycée. Ici, c'est les 3 dernières années du secondaire. J'ai fait mon lycée là-bas. Et au Congo, ma mère, comme étant catholique, on allait à l'église. Mais c'est pareil aussi, parce qu'on allait à l'église, j'étais très, très impliqué. Pour un jeune, j'étais très impliqué dans les lectures, dans les groupes des jeunes, dans les machins. Mais il n'y avait pas il y avait toujours. J'aurais pu me trouver au milieu de musulmans, c'était pareil. Que ce soit au Niger ou au Congo, que ce soit chez les musulmans ou en milieu catholique, pour moi, il y a vis-à-vis. Je dis pas que c'est la même chose, mais vis-à-vis de la recherche de Dieu, de la présence de Dieu, certainement dans notre endroit, dans d'autres églises catholiques, on pouvait le ressentir, mais moi, en tout cas, je ne le ressentais pas. Et donc j'ai cherché ailleurs. Pour ceux qui connaissent un peu la Fraternité Blanche Universelle, c'est pour des sectes un peu bizarres. J'étais pas dans une secte, mais je lisais des bouquins. Et bon, disons que j'ai eu des expériences très malencontreuses. On va faire très court. Disons que j'arrivais à faire des choses que normalement les gens ne doivent pas arriver à faire. Voir les choses qui se passent le lendemain, par exemple, ou entendre des choses qui se passent à des kilomètres plus loin, ou savoir ce qui s'est passé dans la maison alors qu'on n'était pas là. Je dis, avec des années, on se dit peut-être que j'étais un peu malade, mais puisqu'il y a des preuves à l'appui, même ma mère, quand elle voyait des choses, elle entendait des choses, elle se demandait qu'est-ce qui n'allait pas. Pour exemple, un jour, je suis rentré de l'école, et je lui ai dit, tiens, pendant qu'on n'était pas là, un tel est venu. Elle m'a regardé avec des grands yeux, elle dit, mais comment ça? J'ai dit, oui, il est venu, et puis vous avez dit ceci, il a dit cela. Et il a fait ceci, tiens, il a fait tel acte ici, il a fait tel machin. Elle n'en revenait pas, elle me disait, mais comment tu sais ça? J'ai dit, ben, c'est pendant la nuit, quand je dors, j'ai tout vu, j'ai tout vu. Et puis, ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois, ce n'est pas 3 fois, mais voilà. Et donc, ça, c'est juste une parenthèse. Juste simplement pour expliquer que donc, moi, le 5 janvier 1995, à 9 h du matin, je me rappelle très bien parce que c'était assez particulier. Et ce jour-là, je me suis mis à genoux et c'est là où j'ai donné ma vie au Seigneur. Et à partir de là, il y a. Les choses ont changé. Mais pour moi, j'étais seul au monde. Je ne savais pas qu'il y avait des églises évangéliques qui existaient. Parce que pour moi, il n'y avait que l'église. Quand on grandit comme ça, on sait qu'il n'y a que l'église catholique. Je ne savais pas qu'il y avait des églises évangéliques, même des églises voilà, ou les églises vivantes, vraiment vivantes. Ça, je ne savais pas. Donc, j'ai vu ma foi tout seul, chaque matin. Je n'allais plus à l'église catholique parce que ça ne correspondait plus à le rite, ça ne correspondait plus à ce que je vivais intérieurement. Donc j'ai connu de grandes expériences, de grands échecs aussi, il faut le dire. Mais ce n'est que quelques mois plus tard que ma mère, en fait, avait une de ses amies. Elle lui a dit, mon fils est un peu bizarre, il fait des trucs bizarres, il dit des choses bizarres, il passe son temps à lire la Bible. Et puis, et cette amie-là, elle était chrétienne. Et elle a compris. Donc elle a dit, ah oui, mais bon, oui, mais je sais ce qu'il a. Je peux lui donner des conseils, t'inquiète pas, dire ah d'accord. Et donc du coup cette dame m'a rencontré et c'est là où elle m'a introduit en fait dans le milieu évangélique. Hein, j'ai vu que bon voilà c'est ça, ça voilà. Donc simplement c'est mon petit témoignage pour voilà. Valider, c'est ça. Merci bien. Alors Dieu se laisse trouver partout. Hein? Dieu se laisse trouver. Celui qui me cherche me trouve. Hein? Celui qui frappe, on lui ouvre. Alors Dieu est universel. Il se laisse trouver partout où il y a des gens qui le cherchent. Ce matin, donc, on continue. Et si vous aimeriez entendre le partage de dimanche passé, vous allez sur le blog 3674 rue Ontario-Est.wordpress.com et vous allez avoir accès à tous les partages, dont celui de dimanche dernier. On continue donc ce matin avec cette randonnée qu'on fait avec Abraham. Ces randonnées, plusieurs randonnées hein, qu'on fait avec lui, parce qu'à partir de la vie d'Abraham, nous voulons tirer quelques leçons. de sa vie. Ou quelques principes, des principes de vie aussi. Et puis, certaines choses, mon désir venait aussi de partager sur la vie d'Abraham, parce que certaines leçons qu'on peut tirer de la vie d'Abraham sont aussi en lien avec le premier partage que j'ai apporté au début de l'année 2011. Donc, vous pouvez aussi aller sur le blog et écouter le partage du 9 janvier, si ma mémoire est bonne. Donc, l'histoire d'Abraham, dans le livre de la Genèse, couvre les chapitres 12 à 26 de la Genèse. Fait que ce matin, on ne fera pas, on fera pas tous ces chapitres-là, c'est 14 chapitres. Mais le but est de voir peut-être quelques éléments de la vie d'Abraham, d'où on peut tirer quelques leçons. Et puis aussi, je vais ouvrir une parenthèse par rapport à un sujet en particulier. Le parcours d'Abraham nous montre un homme qui a appris à faire confiance à Dieu. On a mentionné la semaine dernière Abraham, ami de Dieu. Mais ce matin, nous allons voir Abraham qui apprend à faire confiance à Dieu. Dieu avait invité Abraham à quitter Ur, qui est maintenant en Irak, l'Irak. Alors, Dieu avait invité Abraham à quitter Ur pour se rendre dans un pays que Dieu avait dit que je t'indiquerai, dans Genèse 12, verset 1. D'ailleurs, nous allons lire le texte de Genèse 12, verset 1. Continue, s'il te plaît. OK, voilà. L'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille, et ta maison et ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation, je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. » Maintenant, je veux m'arrêter surtout au verset 2. La version sommaire dit « Tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. » Le genre de bénédiction qu'Abraham va recevoir est la bénédiction d'être une bénédiction pour d'autres. Je répète, le genre de bénédiction qu'Abraham va recevoir, c'est de devenir lui-même une bénédiction pour d'autres. La version Tob et la Sommaire rend le verset un peu différemment. Continue, je sais ce que tu y parviens. Alors, la Tob et la Jérusalem vont traduire le verset 2 de la façon suivante. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom, sois une bénédiction. Voyez-vous, là, on pense à l'impératif. Ce n'est plus simplement que Dieu dit, ben, tu vas devenir une source de bénédiction pour d'autres. Je te prédis, là, que je vais te bénir en vue que tu puisses bénir d'autres, mais ces deux versions vont traduire à l'impératif « sois ». Sois donc une bénédiction. C'est important qu'on le retienne. Ceux qui étaient là, essayez de mettre ça en lien avec ce qu'on a partagé le 9 janvier. Dieu nous bénit, nous sommes bénis, nous rentrons dans le projet de Dieu en vue de bénir d'autres. Quand on suppose qu'on est choisi pour être béni, et nous oublions que nous sommes bénis pour être une bénédiction, nous tordons le sens de notre identité et nous dérivons de l'appel de Dieu. Je vais citer un auteur. C'est une citation que j'ai prise, puis je ne me souviens plus de tel auteur. Et je n'ai pas le temps de faire la recherche pour savoir exactement où je l'avais pris. Mais voici ce que l'auteur disait. Quand les religions supposent que leurs adhérents sont choisis pour être bénis, et oublient qu'ils sont bénis pour être une bénédiction, elles tordent le sens de leur identité et elles dérivent de l'appel de Dieu. Tant qu'elles supposent qu'elles sont bénies exclusivement plutôt que de façon instrumentale, tant qu'ils se voient comme bénis à l'exclusion des autres, plutôt au profit des autres, ils deviennent une partie du problème au lieu d'être une partie de la solution. On a connu des mouvements. Il y a même eu un temps où c'était dans ma propre vie où on a eu un flirt avec ce genre de mouvement qu'on appelait le mouvement d'hyperfoi, hein? Hyperface. Hein? Puis je ne mentionnerai pas des noms de télévangélistes à la télévision, des écrivains, hein, qui prônaient comment que on parle même de l'évangile de la prospérité. Hein? L'évangile de la prospérité. Dieu vous veut prospère, etc., etc. Oui, Dieu nous veut prospère. Mais pas à notre propre fin, mais en vue que nous puissions bénir d'autres. C'est la promesse que Dieu fait à Abraham. Et c'est le commandement que Dieu donne lorsqu'il dit, « Je vais te bénir. Sois donc, à partir de la bénédiction que je te donne, sois donc une bénédiction pour d'autres. » Dieu va dire donc à Abraham, dans le temps Abraham avant qu'il change de nom, « Laisse ton peuple, laisse ton identité et ton statut en tant que membre d'un certain peuple connu. Maintenant, lance-toi dans l'inconnu, d'un quelqu'un qui est un membre d'un peuple connu, et lance-toi dans l'aventure d'un voyage où tu ne sais pas qui tu es désormais. Ce faisant, je te donnerai une nouvelle identité. Tu deviendras un nouveau genre de personne dans le monde. Tu auras une nouvelle identité. Et cette nouvelle identité, en tant que peuple béni par le seul vrai Dieu vivant, apportera la bénédiction à tous les autres peuples. » Ce que Dieu demande à Abraham, et dont Dieu va plus tard changer son nom en Abraham, est le contraire de servir ses propres intérêts. On a une expression en anglais qu'on dit « self-serving ». Hein? « Self-serving ». On se sert soi-même. On vit pour voir à nos propres intérêts. Entrer dans le projet de Dieu, entrer dans le royaume de Dieu, c'est cesser de chercher nos propres intérêts. Quelqu'un disait que l'Église, le projet de Dieu, hein, dans l'Ancien Testament, hein, la shalom de Dieu, on parle du royaume de Dieu, on parle de l'Église de Dieu. Alors quelqu'un disait que l'Église est la seule institution qui ne vit pas pour son propre profit, mais c'est une institution qui vit pour le profit des autres. On veut profiter à d'autres. Et ça, c'est pas seulement en tant que communauté, mais c'est en tant qu'individu qu'on a peut-être cette leçon à apprendre d'Abraham, qui est béni en vue qu'il devienne une source de bénédiction pour d'autres. Donc, de cesser d'être self-serving, cesser de se servir soi-même, puis commencer à servir de façon désintéressée. Voilà une leçon. Une première leçon que nous apprenons d'Abraham. Au chapitre 12, versets 4 à 9, à 75 ans, il quitte Haran, parce que de Ur, il était allé avec son père à Haran, son père Terah, donc ils étaient allés à Haran. Donc, de Haran, donc il quitte Haran avec Sarah, son épouse, et son neveu Lot, pour émigrer en Canaan. Et Abraham devient, pour ainsi dire, un nomade, un bédouin. Et puis, je ne sais pas si il y en a qui ont visité Israël. Peut-être que Glenn, tu es allé. Moi, je suis allé il y a très longtemps, je pense en 87, et j'ai rencontré des bédouins. On s'est arrêté sur le chemin de... Alors qu'on allait à la mer de Galilée, on s'est arrêté pour... rencontrer des bédouins. Et j'aimerais vous dire que, bon, Abraham était, c'était un bédouin. J'aurais pas aimé être trop longtemps dans sa compagnie. Hein? Parce que ça sentait pas trop bon. Mais Abraham, avec sa famille, deviennent des bédouins, des nomades, ils voyagent. Et d'étape en étape, ils gagnent le Négev. C'est Abraham qu'on regarde ce matin. Abraham qu'on appelle le père de la foi. Il y a même, dans certains milieux, peut-être que Heidi va peut-être se rappeler de ce chant, parce qu'il était chanté dans certaines communautés pentecôtistes, où on parlait du père Abraham avait beaucoup de fils. Beaucoup de fils avaient... On ne chantera pas ce matin. Oui, Jean-François. Jean-François, bien sûr, tu la connais. On ne la chantera pas. Parce qu'on mimait le chant aussi. Hein? On mimait le chant. OK. Donc, finalement, cet Abraham, ce fameux Abraham qui est notre père, le père de la foi, on le regarde ce matin, on apprend de lui. On apprend de lui non seulement par ses qualités, mais aussi par ses défauts, ses fautes. Au chapitre 12, verset 10 à 20, lorsque la famine frappe le pays de Canaan, ou le Négev, où Abraham a installé ses tentes, s'est établi, Abraham et sa famille se déplacent pour chercher en Égypte de quoi survivre. Alors qu'il est en Égypte, le pharaon voit la femme d'Abraham, Saraï, qui en ce moment-là n'a pas encore le nom de Sarah, mais qui s'appelle Saraï. Le pharaon est attiré par Sarah, et pensant que c'était la sœur d'Abraham, il la prend dans son harem, dans son ménage royal. Jusqu'à ce qu'il découvre qu'elle était véritablement l'épouse d'Abraham, et non pas seulement la sœur d'Abraham, il chasse Abraham du pays de l'Égypte. Maintenant, cette situation est arrivée deux fois dans la vie d'Abraham. Une deuxième occasion, qu'on ne verra pas, parce qu'on ne se rendra pas jusqu'à ce chapitre-là ce matin, mais une autre occasion se trouve dans le chapitre 20, alors qu'Abraham est dans le pays d'Abimélec, le roi de Guérar, et encore une fois, Abraham va demander à Sarah, son épouse, de ne pas dire aux gens qu'elle est sa femme, son épouse, mais de dire aux gens qu'elle est sa sœur. Bravo, Abraham. Bravo, Abraham. Hein? Deuxième fois. Où est-ce qu'Abraham, pour sauver sa peau, est prête à livrer sa femme à l'opprobre, à un autre homme, mais aussi à l'impudicité, à l'adultère. Et cette fois-là, Abimélec, le roi de Guérar, va demander à Abraham, parce que finalement, bon, Dieu, parle dans un songe, parle à Abimélec, et puis lui dit tout, là, c'est Elle a un mari, cette femme-là. Là. Puis, si tu ne veux pas que je, te, hein, que je t'envoie un châtiment, tu es mieux de la retourner à son mari. Et puis, Abimélec va demander à Abraham, « Pour quelle raison as-tu agi de la sorte? » Abraham répondit, « Je me suis dit, certainement, on n'a aucun respect de Dieu dans ce pays-ci, et on me tuera à cause de ma femme, parce qu'elle était très belle. De plus, elle est réellement ma parente, plus elle est fille de mon père, mais pas de ma mère. » Alors, en ce temps-là, c'était permis de marier sa demi-sœur. Sarah était la demi-sœur d'Abraham. Donc, de plus, elle est réellement ma parente, plus elle est fille de mon père, mais pas de ma mère, et elle est devenue ma femme. Tant Dieu m'a fait quitter la maison de mon père et aller de lieu en lieu, j'ai dit à ma femme, « Aie la bonté de dire, gentil, hein? Partout où nous irons que je suis ton frère. Hein? Ne dis pas que tu es ma femme. Dis que je suis ton frère. Hein? Pour ton modeste, la vie sauve. Bon, là, on voit hein, une caractéristique de la personnalité d'Abraham, de la vie d'Abraham, qui, malgré ses fautes, est aimé de Dieu et est appelé l'ami de Dieu. Il n'est pas appelé l'ami de Dieu parce qu'il est sans faute. Mais il est appelé l'ami de Dieu parce qu'il est un homme qui a appris à faire confiance à Dieu. De même que nous, on peut être appelé ami de Dieu. Pas parce qu'on est sans faute. Pas parce qu'on est sans péché. Mais parce que dans nos vies, on apprend à faire confiance à Dieu, puis à vivre en référence à Dieu, puis d'apprendre de Dieu, d'être à l'école de Dieu. Au chapitre 13, versets 5 à 18, Abraham est confronté à un choix. C'est l'heure de la décision ou l'heure des choix. Le chapitre 13 nous raconte l'épisode de la séparation d'avec son neveu Lot, puisque Abraham avait amené avec lui Lot, son neveu. À un moment donné, donc, Abraham prospère. Ses troupeaux, hein, Dieu bénit Abraham, ses troupeaux, hein, ils se reproduisent, alors hein, il y a un grand troupeau de brebis. De même que Lot. À un moment donné, leur richesse à chacun devient tellement grande, leur troupeau, qu'ils commencent à se nuire l'un à l'autre. Et les bergers d'Abraham se disputent avec les bergers de Lot et vice-versa. Ils se disputent le pâturage. À un moment donné, donc, Abraham dit à Lot, c'est peut-être le temps pour nous de se séparer. Ce n'est pas une rupture, on a une leçon à apprendre ici. Okay? Parce qu'on va même lire le texte. Je ne l'ai pas copié ici, mais chapitre 13, verset 8. Abraham dit à Lot, « Nous sommes de la même famille. Il ne faut donc pas qu'il y ait dispute entre moi et toi. » Entre mes bergers et les tiens. Séparons-nous plutôt. Tout le pays est à disposition. La générosité d'Abraham. Hein? Tout le pays est à disposition. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Ce que nous remarquons ici, c'est que Abraham suggère à Lot de se séparer. Ce n'est pas une rupture, mais une séparation. Abraham suggère à Lot de se séparer en vue qu'il n'y ait pas de rupture dans la relation. Une leçon qu'on apprend. Dans notre vie, parfois, il se peut qu'on soit appelé à se séparer d'eux afin d'éviter la rupture. entre Lot et Abraham, il n'y a pas eu la rupture de relation. La relation a continué. Mais afin d'éviter la rupture, Abraham suggère, on va se séparer l'un de l'autre. Une deuxième leçon dans cet épisode d'Abraham, c'est que Abraham va donner à Lot le premier choix. Abraham use de déférence envers son neveu Lot. Puis il va lui dire, le pays est devant toi, hein, est à ta disposition, choisis où tu veux aller. Tu vas à gauche, j'irai à droite. Et dans le texte, il nous rapporte, alors Lot regarda et vit toute la plaine du Jourdain, qui s'étendait jusqu'à Tsoar, avant que l'Éternel lui détruise Sodome et Gomorre, elle était comme le jardin de l'Éternel, comme la terre d'Égypte. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain, et il se dirigea vers l'est, ainsi se séparèrent l'un de l'autre. La leçon ici, c'est que Lot choisit où il va aller après avoir regardé. Il regarde, et après avoir regardé, il choisit, il dit, bon, voilà, je vais m'établir dans les plaines de Sodome et Gomorre. La décision d'Abraham de s'établir près des chênes de Mamré, aux environs d'Hébron, est le résultat d'une conversation, d'un entretien avec Dieu. Le texte nous dit, verset 14, « L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et regarde depuis l'endroit où tu es, vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse, etc., etc. Lève-toi, parcours le pays en long et en large quand je te le donnerai. Alors, après cette conversation, après cet entretien avec Dieu, Abraham déplaça son campement, vint se fixer près des chênes de Mamré aux environs d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Lot regarde les yeux. C'est ce que Jean nous dit, hein? C'est ce que Jean. Il y a plus de gens qui nous parlent des trois avenues du péché. Un des avenues, c'est la convoitise des yeux. L'autre, regarde. C'est à regret, hein? Parce que plus tard, il va regretter d'avoir choisi cet endroit. Abraham prend un choix après avoir parlé à Dieu, après s'être entretenu avec Dieu. Quand on prend une décision, surtout les grandes décisions de la vie, comment les prenons-nous? Je vous laisse apprendre d'Abraham. Chapitre 13, verset 10. Aussi bien que le chapitre 14, 18 et 19. On va ouvrir une parenthèse, une courte parenthèse. Dans le chapitre 13, 10, alors que Lot choisit les plaines de Sodome et Gomorre. Plus tard, donc, Sodome sera attaqué par d'autres rois, et puis Lot est emmené en captivité, etc. Abraham va venir le délivrer, etc. On va y revenir à ça tantôt. Mais j'aimerais ouvrir une parenthèse par rapport à Sodome et Gomorre, puisqu'on parle de Sodome et Gomorre dans le texte. Puis il y a question de Sodome et Gomorre aussi dans le chapitre 14, dans le chapitre 18, dans le chapitre 19. J'aimerais ce matin en profiter du fait qu'on est sur ce thème-là, hein, qu'on est en train de lire par rapport à Abraham, puis Lot, Sodome et Gomorre. J'aimerais, à mon avis, remettre certaines horloges à l'heure. D'accord? Que souvent, lorsqu'on parle du péché de Sodome et Gomorre, hein, on va dire souvent dans des milieux, pas seulement évangéliques, mais même chrétiens ou même dans d'autres milieux, on va faire souvent référence dans la littérature que le péché de Sodome et Gomorre était l'homosexualité. J'aimerais remettre les ordres d'Adam ce matin. Parce que souvent, la lecture qu'on fait de la Bible est, comment je pourrais dire, influencée, notre lecture est programmée par certaines phobies que nous avons. On réalise, n'est-ce pas, que certaines personnes peuvent faire certaines lectures de la Bible qui sont misogynes. On a fait dans le passé. Dans certains milieux, on le fait encore aujourd'hui, une lecture de la Bible misogyne à l'encontre des femmes. Il y a des passages, 1 Corinthiens 11, 1 Timothée 2, et j'en passe. À partir d'une phobie, à partir d'un préjugé, on fait une lecture, on fait dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Ou on l'interprète d'une certaine façon. OK? Puis encore aujourd'hui, je dis encore aujourd'hui, on pourrait dire qu'à un certain point, le Vatican est encore misogyne. Peut-être pas l'Église catholique sur le terrain, hein, mais dans la haute sphère. Comme plusieurs, hein, ça arrive encore que beaucoup de milieux évangéliques sont encore misogynes. Hein? Encore dans certaines églises, on ne permet pas à la femme de prendre la parole. Certaines églises, encore aujourd'hui, à partir de 1 Corinthiens 11, exigent que les femmes portent le voile dans l'église. Ce n'est pas seulement les femmes musulmanes qui portent le voile. C'est les églises chrétiennes qui portent le voile. Hein? OK. Mais ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. S'ils veulent le porter. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir d'une façon de voir, on interprète d'une certaine façon. On pense, hein, on peut aussi lire la Bible. Si on est raciste, alors on va voir dans les Écritures des textes qui vont approuver notre racisme. Je connais certains milieux. D'ailleurs, certains livres, certains écrits ont été écrits là. Très populaire, ou à partir du récit de Noé qui maudit Cham, on développait toute une théologie par rapport qui permettait l'esclavage des Noirs à partir de Cham. Okay, à partir d'une vue raciste, on développe une théologie. À partir aussi de l'homophobie, on peut développer une théologie. D'accord? Qui nous fait dire que le péché de Sodome était l'homosexualité, alors que le péché de Sodome n'était pas l'homosexualité. Ézéchiel, chapitre 16, verset 49, va nous dire exactement ce qu'était le péché de Sodome et Gomorre. Si vous voulez ouvrir, Ézéchiel 16, verset 49. Mais comme je dis, je pense mettre des horloges à l'air. Peut-être que vous pensez que je recule là, j'avance là, comme vous voulez. Mais Ézéchiel 16, 49 dit, « Voici quel était le crime de Sodome. » Mais j'aime mieux entendre la Bible me dire c'est quoi que de dire n'importe quel télé-évangéliste me dire c'est quoi. OK? « Voici quel était le crime de Sodome, ta sœur. » Elle et ses filles étaient devenues orgueilleuses parce qu'elles vivaient dans l'abondance et dans une tranquille insouciance. Elles n'ont pas secouru les pauvres et les malheureux. Elles sont devenues hautaines et se sont mises à commettre sous mes yeux des actes abominables. C'est pourquoi je les ai fait disparaître comme tu l'as vu. Quant à Samarie, elle n'a pas commis la moitié de tes péchés et tu as accumulé plus d'actions abominables qu'elle. En comparaison avec toi, et tous les actes abominables que tu as commis, tes sœurs paraissent justes. Tes sœurs, Sodome et Samarie paraissent justes à comparer de toi, Jérusalem. OK? Brièvement, parce que je ne veux pas m'étendre, c'est une parenthèse que j'ouvrais. Mais un rabbin du nom de Steven Greenberg, je le cite, qui dit que peut-être que la démonstration la plus révélatrice, c'est le point de vue dominant rabbinique de l'histoire de Sodome, qui a été traduite directement en loi, pas en relation au vice sexuel, mais par rapport à la possessivité et la dure indifférence. Un petit peu plus loin, il dit, « Étant donné l'évidence, il apparaîtrait que la lecture juive prédominante du récit de Sodome ne le dépeint pas comme un endroit de licence homosexuelle. Dans peu de sources où des relations homosexuelles masculines apparaissent vraiment, ils font partie d'une description d'exploitation, la violence, l'égoïsme et la cruauté, où il n'y avait aucun autre référent social. Le péché de Sodome était universellement compris comme étant l'inhospitalité. » Donc, pour résumer, nous pouvons conclure que selon la littérature rabbinique, hein, les rabbins, dans ces dernières années, je me suis attardé davantage à ce que les rabbins disent de l'Ancien Testament. Parce que ce sont eux qui sont les plus proches du texte de l'Ancien Testament que nous. N'est-ce pas? Ce sont eux qui sont plus proches du texte. Donc, pour résumer, nous pouvons conclure que selon la littérature rabbinique, le péché de Sodome et Gomorrhe était la possessivité, la dure indifférence envers les déshérités, les exclus, l'exploitation, la violence, l'égoïsme et la cruauté. Voilà, pour cette parenthèse. Chapitre 14, versets 17 à 20. Une leçon d'intendance. On a mentionné donc, dans un conflit qui oppose les rois de Sodome et Gomorrhe aux rois des villes environnantes, Lot est fait prisonnier. Et puis Abraham organise une battue pour retrouver et libérer son neveu. Lorsqu'il revient avec le butin, Abraham fait une rencontre plutôt particulière avec un personnage qui s'appelle Melchizedek. Melchizedek, qu'on appelle un sacrificateur. Melchizedek, roi de Salem, qui était prêtre de Dieu, très haut, apportait du pain et du vin, et bénit Abraham en ces termes, etc. Et là, Abraham va payer la dîme à Melchizedek. Une leçon d'intendance d'Abraham. Où Abraham, dans cette intuition du Dieu unique, rencontre quelqu'un d'autre qui avait aussi une intuition du Dieu unique et qui semblerait que, dans la Mésopotamie, il était reconnu comme étant un prêtre de ce Dieu unique et à qui Abraham va payer une dîme en vue de témoigner de sa reconnaissance qu'il vit en référence à ce Dieu unique. Je pense à un proverbe. Non, en arrière. OK. Voilà, un proverbe. Proverbe 3, versets 9 et 10, que j'aime bien. J'ai devancé mon thème, mais ce n'est pas grave. Le proverbe 3, versets 9 et 10, qui dit « Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant des prémices de tous tes revenus, alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. » Pour moi, le principe de donner, que ce soit la dîme, et comme j'ai déjà partagé le 9 janvier, pour moi, la grâce va au-delà de la dîme. Okay? La grâce ne se limite pas à la dîme, elle dépasse. Et j'ai cité Jean Théluth qui dit que si je m'en tiens à 10, je suis encore sous la loi. Si je dépasse 10, je suis dans la grâce. Okay? Et donc, c'est sous plusieurs formes. Ce n'est pas seulement donné à l'Église, c'est donné à la Croix-Rouge, donné pour le séisme en Haïti, c'est donné dans les œuvres, dans le quartier. Hein? C'est tout ça. Hein? On devrait dépasser le 10% dans les dons qu'on fait pour l'Église et pour la société en général. C'est ce qu'on fait. Donc, Abraham, ce faisant, il, hein, en donnant, c'est un peu comme le Proverbe 3 nous le dit, il est en train d'honorer l'Éternel. Donner sa dîme ou donner à l'œuvre de Dieu, c'est d'honorer l'Éternel, un peu comme reconnaître ce que Dieu, ce que la vie me donne, me vient aussi de Dieu et que je redonne à Dieu. Un tiers des paraboles, plus de 2000 versets, font référence à l'argent et à nos biens. 272 versets parlent de foi et croire. 371 versets parlent de la prière. 714 versets parlent de l'amour. 2172 versets parlent des possessions et de l'action de donner. L'argent tient une place importante dans nos vies, n'est-ce pas? Hein? C'est important. Comment qu'on la gère? En arrière un peu. La façon courante de gérer. On gagne son argent. On en jouit. Habituellement, nous en jouissons trop. Ce qui nous mène dans des dettes. C'est ce qu'on appelle la surconsommation. Troisièmement, on rembourse nos dettes parce qu'on a trop dépensé, surtout après Noël. Ensuite, quatrièmement, on économise pour l'avenir une fois que les dettes sont payées. Cinquièmement, on donne s'il y a un surplus. Combien il me reste? Okay. On a lu le Proverbe 3. Hein? On a lu le Proverbe 3. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens, en lui offrant des prémices. Les prémices. Les premiers fruits. Là, on a vu Abraham. Abraham vient avant la loi. Okay? Alors, les gens qui disent la dîme, c'est la loi. La dîme, c'est le principe de donner. Et ça s'applique à tout le monde. Ça ne s'applique même pas juste aux chrétiens, ça s'applique à tout le monde. Notre système de santé est bâti là-dessus. Je l'ai déjà cité, là, le fameux député Douglas, je ne me souviens plus de son prénom, là. Non, pas Douglas, c'est le pasteur de parti, oui. Donc, il a mis... Tommy Douglas, qui est à l'origine de notre système d'assurance santé. C'est à partir de ce principe-là que, comme société, on doit aider les plus démunis, donc aider les gens qui n'ont pas les moyens de se donner une assurance maladie, que comme société, on se doit de... C'est à partir de ce principe-là. Tommy Douglas. Donc, c'est un principe universel. Évidemment, lorsque Salomon écrit le Proverbe 3, déjà la loi est donnée. Mais là, Salomon ne mentionne même pas le mot dire, mais il fait simplement dire en lui offrant des prémices. Le premier fruit, parce que c'était encore là un principe du Lévitique. Où est-ce que Israël devait apporter à Dieu les prémices de leur... C'est une des sept fêtes. Oui, c'est une des fêtes. D'apporter. Oui, une des fêtes. Le premier fruit. Oui, exactement. Donc, à partir de ces textes, voyons l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu de gérer. Bon, j'aime pas. j'ai hésité avant de mettre l'ordre de Dieu de gérer. Je n'ai pas envie de mettre ces mots-là dans la bouche de Dieu, puis dire, voilà, Dieu dit. J'avais envie de mettre plutôt peut-être l'ordre biblique de gérer. Je sais, mais c'est parce que j'aime pas dire, ben, Dieu dit, ben, c'est pas Dieu qui dit, c'est moi qui dis un matin. T'sais. Mais je pense que le témoignage des Écritures, le témoignage biblique, nous suggère la façon suivante de gérer. Après que nous avons gagné, donner premièrement. On donne premièrement les prémices. Dieu vient en haut. Le premier chèque que j'écris, c'est... C'est un principe dans ma propre vie. Tu sais, je ne suis pas en train de... C'est un principe de ma vie. Mon père m'a appris ça quand j'étais tout jeune, que j'avais 5 ans, 6 ans, et que je déblayais les entrées de mes voisins, puis qu'ils me donnaient 10 cents. Hein? Puis que je payais la dîme sur 10 cents le dimanche. Je donnais un sou noir dans le panier. Mes parents m'ont enseigné ça. Hein? C'est plus tard que j'ai appris le au-delà de... Pas de 1 cent, mais 2 cents sur le 10 cents. Mais enfin. Donc, donner premièrement, puis économiser, mettre de côté pour les mauvais jours. Rembourser si on a des dettes, puis apprécier ce qui nous reste. Le premier exemple qu'on a vu, la façon courante, je donne ce qui me reste. Dans la perspective biblique, j'apprécie ce qui me reste. Ah, il m'en reste. Peut-être devons-nous réorganiser nos priorités. Hein? À la lumière de ce qu'on a apporté le 9 janvier. Je termine. Quelqu'un a dit que la générosité est comme un boomerang. La générosité est un boomerang. What goes around comes around, qu'on dit. Hein? Qu'est-ce qu'on donne, nous, revient d'une forme ou d'une autre. Alors, on a intérêt à apprendre d'Abraham à être généreux à tous égards. Abraham nous a montré la générosité envers Lot en disant, choisis ce que tu veux. Ensuite, il a démontré en payant la dîme à Melchizedek, en disant, voilà, je veux démontrer ma reconnaissance que ma vie, hein, je suis pas un païen là, qui vit sans référence à, je reconnais que tout vient de Dieu et je redonne à Dieu une partie. Je donne les premiers fruits. On apprend de lui. Un vieux prêtre, pas un vieux prêtre, un vieux médecin dans un village. Une vieille histoire. Ça pourrait se passer en France, en Espagne, au Portugal, en Grèce. Là où on boit le vin, à profusion, un vieux médecin, dans un petit village de campagne, hein, qui avait servi la population du village pendant plusieurs années, à donner son temps, les gens qui étaient trop pauvres pour... Il ne pouvait pas payer le médecin, hein, il les traitait quand même, il leur donnait des médicaments. Mais voilà que le médecin est rendu vieux, puis c'est le temps de la retraite. Donc, il annonce au village, bon, écoutez, là, je suis trop vieux, je ne peux plus vous soigner, je prends ma retraite. Et puis donc, à partir d'un tel jour, hein, venez plus me voir, là, je termine. Alors, les gens du village ont dit, ben, pour montrer notre reconnaissance, on devrait organiser une fête pour le médecin, puis lui offrir un cadeau. Fait qu'on dit, écoutez, on n'a pas beaucoup d'argent, hein? On est pas mal tous pauvres, fait qu'on va mettre un baril, hein? Un gros baril. Et puis, tout à chacun, dans ces villages-là, tout à chacun fait son vin, puis avec sa table à vin, Fait qu'ils ont dit, écoutez, là, le bon docteur, il aime le bon vin. Fait qu'on va lui faire, on va faire le cadeau suivant. Tout à chacun, à tel jour, on va venir apporter une offrande de vin. Alors, on va vider dans le grand baril, si vous voulez donner un litre, deux litres, vous amenez le vin, vous le donnez, vous le versez dans le baril, puis le soir, on va donner le baril au médecin. Fait que, durant la journée, les gens viennent, versent dans le baril leur contribution de vin. Rendu au soir, donc ils offrent au docteur, discours, offrent au docteur le baril de vin, et puis le mettre derrière la maison du médecin. Alors, le vieux docteur, le soir, avec sa langue, il sort, puis il se prend une bonne coupe de vin, et puis il s'assoit pour déguster son vin, prend une première gorgée, puis pouah! Il trace le vin, puis il dit, mais c'est pas du vin, ça. Il retourne au baril pour voir, pour finalement se rendre compte que le vin était dilué avec de l'eau. Vous imaginez que c'est arrivé, que plusieurs paroissiens, plusieurs personnes du village s'étaient dit, les villageois s'étaient dit, avec le nombre de villageois, personne ne va s'apercevoir, je vais plutôt apporter de l'eau plutôt que du vin. Personne ne va s'apercevoir de rien. Marrant que je n'ai pas contribué comme d'autres ont contribué. Mais finalement, ça finit par être un vin plutôt grandement dilué. À nous de tirer la leçon. À nous de tirer la leçon. Par rapport à notre contribution aussi à la communauté. Voilà.